Bismillahirrahmanirrahim. Veylul lil mutaffifin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur aux fraudeurs. Adhina idha iktalu 'alan nas yastawfun. Qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. Idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perte. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? Liyawmin 'azim. En un jour terrible. Yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Et qui te dira ce qu'est le sijjin? كتاب مرقوم. Un livre déjà cacheté, achevé. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur ce jour-là aux négateurs. الذين يكذبون بيوم الدين. Qui démente le jour de la rétribution. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit : ce sont des contes d'anciens. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. ثم إنهم لصالوا الجحيم. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. On leur dira alors voilà ce que vous traitiez de mensonge. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Qu'ils prennent garde, le livre des bons sera dans l'Iliyun. وما أدراك ما عليون. Et qui te dira ce qu'est l'Iliyun? كتاب مرقوم. Un livre cacheté. يشهده المقربون. Les rapprochés d'Allah, les anges, en témoignent. إن الأبرار لفي نعيم. Les bons seront dans un jardin de délices. على الأرائك ينظرون. Sur les divans, ils regardent. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. يسقون محيط مختوم. on leur sert à boire un nectar pur, cacheté. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. ومزاجه من تسنيم. Il est mélangé à la boisson de Tasnim. عينا يشرب بها المقربون. Source dont les rapprochés boivent. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. وإذا مروا بهم يتغامزون. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. وما أرسلوا عليهم حافظين. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. على الأرائك ينظرون. Sur les divans, ils regardent. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient؟